Simplement souhaiter joyeux anniversaire au pasteur Sam. Et parce que il m'a plusieurs fois invité à venir ici, mais je ne venais pas. Mais je me suis dit que c'était son anniversaire et j'allais quand même venir et je veux glorifier le nom de Dieu pour sa vie et pour ce que vous faites ici à BLMP. Amen. Je veux seulement dire à l'Éternel gloire à Dieu pour ce merveilleux don que nous avons dans l'Église et simplement lui dire merci. Joyeux anniversaire à toi, Pasteur Sam. Dieu, mon cœur s'écrie, gloire au roi, l'amour de ma vie, tout te revient, gloire, gloire, j'entends les anges chanter, oh, hey. Ouvre mes oreilles, laisse-moi entendre ta douce voix, mon âme se réjouit, gloire, gloire, j'entends les anges chanter, oh, tu es le Père, sans felin, la réponse. gloire à Dieu ce soir. Que tu peux lever les mains. Nous crions gloire. Nous crions gloire. Nous crions gloire. Nous crions gloire. Donne-moi une dernière fois. Nous crions. Nous crions. Father, we bless you. Glory be to your name. We cry glory. We cry glory tonight. Father, for all that we are, for all the blessing that you've given us, Father, we cry glory. You deserve the glory. You deserve the power. You deserve the praise. You deserve the worship, Lord. We cry glory to you, Lord, in the name of Jesus. Father, we bless you. We thank you. We give you glory. And everyone say amen. Please be seated. Shall we clap? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Clap up to God. Give a clap to God. And shout, and shout, and shout. I don't know why you people are making a lot of noise about my birthday. Je ne sais pas pourquoi des gens font assez de bruit concernant mon anniversaire. Usually my birthday is very silent. Habituellement mon anniversaire est très silencieux. I don't know how to celebrate birthday. Je ne connais pas comment célébrer pour les anniversaires. It's my wife who is teaching me how to celebrate birthday. C'est ma femme qui m'enseigne comment célébrer un anniversaire. Hallelujah. Amen. But we give glory to God. Mais on rend gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. It's touching. Ça touche, c'est touchant. To see that people are there to appreciate you. De voir que des personnes sont là pour t'apprécier. Hallelujah. For Amen. People there to love you. Sont là pour t'aimer. Amen. Amen. And I thank God for your life. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies. I pray that God will bless you. Et je prie que Dieu vous bénisse. Abundantly. Abondamment. If you believe. Si tu crois. You will have it. Tu l'auras. Mark chapter 11 verse 24. Mark 11 verset 24. It says what? Ça dit quoi? Hallelujah. Amen. Do you believe it? Est-ce que vous croyez? Do you have a prayer? As-tu une prière? Do you have something you want to ask God? Est-ce que tu as quelque chose à demander à Dieu? Do you have something you want to ask God? Close your eyes and ask God. Ferme les yeux et demande à Dieu. And believe. Et crois. Believe. Crois. Lord, I pray. Seigneur, je prie. For your children, Lord. As they are asking for something that they believe that you can do. Lord, according to Mark chapter 11 verse 24. That anything that we ask, when we believe that we have them, we will have them. We will receive. Lord, do it for them. Father, let it be accomplished in their life. In the name of Jesus. Father, those that don't believe, Father, help them to believe. In the name of Jesus. Father, thank you. And I bless you. I give you glory. In the name of Jesus. And everyone say, amen. Yeah. Amen. So you have your answer. Donc tu as ta réponse. If you believe. Si tu crois. Yeah. You see it practically. Tu le verras pratiquement. Hallelujah. Amen. Amen. Are you blessed? Yeah, I'm êtes-vous blessed béni? Already. I'm blessed already. Je suis béni déjà. She has sung one of my favorite songs. Elle a chanté l'un de mes chants favoris. Clap for her. I've invited her to come. Applaudissez pour elle. Je l'invite depuis, mais elle ne vient pas. Hallelujah. Amen. Wow. It's nice. C'est beau. Yeah. You have to learn that song. You have to learn that song. Vous devez apprendre ce chant. There are a lot of songs you people don't want to learn. Il y a plusieurs chants que vous ne voulez pas apprendre. Hallelujah. Amen. Tonight, are you ready? Êtes-vous prêt? Are you ready? Êtes-vous prêt? Yeah. Romans chapter 8. Romains 8. Verse 6. Verset 6. Romans. Romains. 8, 6. 8, 6. Hallelujah. The Bible says, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Hallelujah. To be carnally minded is death, and to be spiritually minded is life and peace. Romains 8, 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Hallelujah. Amen. Amen. Can you memorize the verse? Est-ce que nous pouvons mémoriser le verset? Can you memorize it? Est-ce que nous pouvons? Because it's a memory verse. Parce que c'est un verset à mémoriser. So memorize Romans verse 6. Romans. Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romans. Romains 8, verset 6. Oh, sorry. Ok, tout le monde, une fois encore. Romains 8, verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Que c'est chant de l'esprit. Tout le monde ne répète pas. Romains 8, verset 6. Une dernière fois. Hallelujah. You know, the flesh will kill you. Vous savez, la chair va vous tuer. It's not, I'm not the one saying it. C'est pas moi qui le dis. You have read it in the Bible. Tu l'as lu dans la Bible. Hallelujah. Amen. Flesh, if you follow the flesh, it will kill you. Si tu suis la chair, elle va te tuer. If you follow the flesh, you will go to hell. Si tu suis la chair, tu iras en enfer. Hallelujah. Amen. If you follow the flesh, you will not have peace. Si tu suis la chair, tu n'auras pas la paix. That's why he's saying, you won't have peace. C'est ce que le verset dit. You won't have life. Tu n'auras pas la vie. Hallelujah. Amen. Hein? Amen. Is it a message? Est-ce que c'est un message? Are you receiving the message? Est-ce que vous recevez le message? Yeah. So tonight we are looking at 5 keys for to victory over the voice of your flesh. Ce soir, nous regardons 5 clés pour avoir la victoire sur la voix de la chair. Hallelujah. Amen. Because your flesh is talking to you every day. Parce que ta chair te parle tous les every jours. Every day. Tous les jours. Every day. Tous les jours. Hallelujah. Amen. So 5 keys. Donc 5 clés. You want to have victory over your flesh? Veux-tu avoir la victoire sur ta chair? Hein? The voice of the flesh is the expressions of your desires. La voix de ta chair, c'est l'expression de tes désirs. And your feelings. Et tes sentiments. Hallelujah. When you have a desire. Quand tu as un désir. And you have a feeling. Et tu as un sentiment. Or manifestation of your flesh. Ce sont des manifestations de la chair. Hallelujah. Amen. Are you here? The flesh is speaking. La chair parle tous les jours. And it's very dangerous. Et elle est très dangereuse. Very, very dangerous. Très, très dangereuse. As a Christian. En tant que chrétien. Are you here? Are you here? Can you hear me? Est-ce que vous pouvez m'écouter? I don't like that sound. J'aime pas le son. Maybe it's a speaker. I don't know. Hallelujah. Amen. Yeah. If you follow your flesh, you will go to hell. Si tu suis ta chair, tu iras en enfer. If you follow your flesh, si tu suis ta chair, you will die spiritually. Tu vas mourir spirituellement. Hallelujah. If you follow your chair, your flesh, si tu suis ta chair, amen, you will leave the church. Tu vas quitter l'église. Are you here? If you follow your flesh, you will not have peace. Si tu suis ta chair, tu n'auras pas la paix. Wow, so it's very dangerous. Donc c'est très dangereux. One of the enemies to Christian. L'un des ennemis du chrétien. One of the enemies to us Christians. L'un des ennemis pour les chrétiens. Is our body. C'est notre corps. Is our flesh. C'est notre chair. Hallelujah. Amen. We are always fighting. Nous nous battons toujours. And sometimes, most of us, we don't even know that it's our flesh. Et parfois, nous ne savons même pas que c'est notre chair. You don't know. Tu ne most sais pas. Most of us, we don't know it. La plupart d'entre nous, nous ne savons pas. It's for me. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Is it same? It is saying, hallelujah. Yeah. So a lot of us, we don't know. It's not the volume. The volume is okay. A lot of us, we don't know that it's the flesh which is worrying us. Plusieurs d'entre nous, nous ne savons pas que c'est la chair qui nous dérange. Yeah. It's your body, your flesh. C'est ton corps, ta chair. It's your flesh. C'est ta chair. It's your flesh. C'est ta chair. Hallelujah. Amen. Oh, you say, oh, pastor, I can't pray. These days, I can't pray. Tu dis, oh, pasteur, ces jours-là, je ne peux it's pas prier. Because of your flesh. C'est à cause de ta chair. Yeah. Yeah. I don't want to come to church. Je ne veux pas venir à l'église. I don't feel like coming to church. Je n'ai pas envie de venir à l'église. Où est le problème? Where's the problem? Où est le problème? It's your flesh. C'est ta chair. Yeah. I don't feel like fasting. I can't fast. De jeûner, je ne peux jeûner. Is what? What's the problem? C'est quoi le problème? It's your flesh. La chair. Ah, don't increase the volume, it's okay. Ah. Angry. Et tu es fâché. I'm angry. Je suis fâché. Why did he do that? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait Why ça? Why did he do that? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Why did he hurt me? Pourquoi est-ce qu'il m'a Why blessé? Did he speak to me like that? Pourquoi est-ce qu'il m'a parlé de cette manière? Why is he, Brunel is speaking to me? He doesn't know that. Pourquoi est-ce que Brunel me parle comme ça? In front of everybody in the Devant choir. Tout le monde dans la And chorale. She's talking to me like that. Elle me parle comme ça. What's the problem? Où est le problème? It's your flesh. C'est ta chair. Yeah. Are you here? Êtes-vous là? Are you here? Do you like the message? Or Vous stop? Aimez le message? It's your flesh. C'est ta chair. It's your flesh. C'est ta chair. Yeah. Yeah. Hallelujah. Most of us, boys. La plupart d'entre nous, les garçons. Or girls. Ou les filles. Yeah. It's our body. C'est notre corps. That attracts, that makes us attractive to. Qui nous rend attractifs. It's your body. Attractif à. Yeah. It's your body. C'est ton corps. It's your body. C'est ton corps. The desire that you have for the boy. Le désir que tu as pour le garçon ou pour la fille. Is your body. C'est ton corps. Yeah. Most of them. Yeah, la plupart. Yeah. Are you here? Est-ce que vous êtes là? You don't like the message. Je n'aime pas le message. You don't like. You see, she's beautiful. Tu vois, elle est belle. You see, oh, I can't sleep because of. Oh, je ne peux pas dormir à cause de. It's your flesh. C'est ta chair. Yeah, we have to be real. Nous devons être réels. Is it true or is not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Yeah. Yeah. But what is the Bible saying? Mais qu'est-ce Romans que la Bible chapter dit? 8, verse 6. Romains 8, verset 6. For to be carnally minded is death. L'affection de la chair, c'est la mort. But to be spiritually minded is life and peace. Mais l'affection de la vie, de l'esprit, c'est la vie et la paix. To be carnally minded. L'affection de la chair. To be carnally minded. L'affection de la chair. To be carnally minded. L'affection de la chair. I think the French version is not correct. It's not correct. Je crois que la version correcte. To be carnally minded. If your mind. Carnally, your mind is on carnal things. Si tes pensées sont fixées sur le charnel. Yeah, to be carnally minded, your mind is on flesh. Si tes your pensées sont fixées sur le charnel, things. Tes pensées sont sur les choses charnelles. Yeah, you will die. Tu vas mourir. So now, what are you thinking about? Donc maintenant, à quoi penses-tu? Is it carnal? Est-ce que c'est charnel? Is it the breast that you are looking at? Est-ce que c'est le sein que tu regardes? Yeah. should be carnally minded. Those who are looking at porno, porno, porno. Ceux qui regardent la pornographie. Porno. La pornographie. Who have put a picture of a naked boy, a girl or boy in on your. Ils ont mis l'image d'une fille your, nue. In your room. Dans leur chambre. Carnally minded. Tu es fixé sur le naturel. Yeah, carnally minded. Fixé sur le charnel. You should be able to see a sister in a spiritual way. Tu dois être capable de voir une fille de manière spirituelle. Yeah. Do you want me to tell you the truth? Vous voulez que je vous dise la vérité? When you see the choir singing, quand vous voyez la chorale chanter on stage, sur l'estrade, most boys they don't look at, they don't listen to their song. Oh. La plupart des garçons n'écoutent pas les chants. Yeah, most boys. La plupart des garçons. They don't look at, they are not listening to their song. Oh. Ils n'écoutent pas la chanson. If you ask them what song did they sing, they si tu leur demandes I don't remember quel chant ils ont chanté, ils vont dire je me souviens pas. But should I say more secrets? Que je dois dire plus de secrets. More secrets. It's a secret of boys, you see. They are looking at other things. Ils regardent à autre chose. Yeah, they are looking at other things. Their minds are on other things. Leurs pensées sont sur autre chose. Yeah. Mercy on us. Miséricorde yeah. sur nous. You see that oh, this person is singing. There's an anointing on the person. Tu ne vas pas voir que cette personne chante et a une onction. Your mind, spiritual things. Que tu fixes ta pensée sur les choses spirituelles et non yeah. charnelles. Even when you meet the person, même quand tu rencontres la personne, to the person, et tu es attiré à la personne, tu ne regardes pas au corps, mais tu regardes à ce qui est dans what la personne. Spirit has the person has, that the person has. Quel esprit est-ce que la personne a? Hallelujah. Amen. You understand what I'm saying? Yeah. So that's the problem. Donc c'est ça le problème. That's the problem. The problem is the body. Le problème c'est le corps. Problem is the body. Problème c'est le corps. Yeah. Yeah. Some girls they want the boy to hold me. Certaines filles veulent le garçon. That's what they are thinking about. Les attrape. So you are nice. You are beautiful. Tu es belle. They want to hear. Elles veulent écouter. When you marry the will not hold. You don't take it, then you are holding you. Yeah. Quand tu we are thinking about on va real things. On va penser des vraies choses. Yeah. Realities. La réalité. Of marriage. Du mariage. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. The body. Le corps. To have victory over the body. Voulez-vous avoir la victoire sur le corps? Yeah, so five keys. Donc cinq clés. Five keys. The first one. La première. The voice of your flesh. I think that's what I was trying to explain. The voice of your flesh is your human desire. La voix de ta chair, ce sont tes désirs humains. Yeah. It's your human desire. Ce sont tes désirs humains. Second thing. La deuxième chose. The voice of your flesh is your physical feeling. La voix de ta chair, ce sont tes sensations physiques. Yeah, physical feelings. I feel for sex. J'ai envie de sexe. Yeah. I feel for sex. J'ai envie de sexe, d'avoir sexe. Enfin, d'avoir des rapports. Translate the thing properly. You see, this is a spiritual girl. You see, she's even finding it difficult to translate the thing. You see. Yeah, this is a spiritual girl. J'ai envie d'avoir des rapports sexuels. Yeah. Special feelings. Hallelujah. Amen. Some of you, when you're attracted, no, it's sex that you're thinking about. Certains d'entre vous, quand vous êtes attiré, vous ne pensez qu'au sexe. Yeah. Physical feelings. I feel like. J'ai envie de. Yeah. Francophone likes it. I feel like. Les francophones aiment dire, j'ai envie de. I feel like. J'ai envie de. You can't live on feel like. Tu ne peux pas vivre sur les envies. You can't live on I feel like. Tu ne peux pas vivre sur les envies. Because the Bible says that to be carnally minded is death. Parce que la Bible dit être fixé sur le naturel c'est la mort. Like I feel like don't go into church. J'ai pas envie d'aller à l'église. It's to kill you. C'est pour te tuer. It's not good for you. C'est pas bon pour toi. Do you understand? Comprenez. Yeah, it's not good for you. C'est pas bon pour toi. It will not help you. Ne va pas t'aider. So you can't depend on your feelings. Donc tu peux pas dépendre de tes sensations. And desires. Et tes désirs. Yeah, you can't live on them. Tu peux pas your vivre life de ça. Cannot depend on ta your vie feelings. Ne peut pas dépendre de tes sensations. You understand? Yeah. Yeah. Yeah. I tell somebody you can't take a decision based on feelings. Yeah, you can't take a decision based on the feelings. Will not they are not the foundation, the rock. Yeah, it's the word of God that is the foundation. Hallelujah. Do you understand? Yeah. Can you? Hallelujah. Are you here? Are you here? Are you here? So if you see a girl, don't use your feelings. Utilise pas tes sentiments. Yeah. Don't use your feelings. Utilise pas tes sentiments. Hallelujah. Amen. I hear. Yeah. The third key. La troisième clé. The voice of your flesh says, do what feels nice and easy. La voix de ta chair dit, fais ce qui semble beau et facile. What is nice? Ce qui est beau. Is it correct? What feels nice? What feels nice? Ce qui semble beau. Yeah, and easy. Et facile. Hallelujah. Amen. What feels? Is it the correct translation? Ce qui semble. What feels good and nice? What feels nice? What feels nice? The French translation is what? What? Ce qui semble. Ce qui semble facile et beau. Yeah, nice. It feels nice. When you touch me, it feels nice. Quand tu me touches, ça sent bon. Oh? Ou bien? Yeah, touch me, it feels nice. Quand tu me touches, ça sent bon. When I sleep, it feels nice. Quand je dors, ça sent bon. Yeah. Oh, is it not true? C'est vrai aussi. You are right. You like sleep, you see. J'aime dormir. What feels nice? Ce qui semble beau. Yeah. Yeah. You can't. That's the voice. The voice is nice. La voix va te dire, fais ce qui est agréable. Hallelujah. Amen. Yeah, there's this story of this lady. Et l'histoire de cette fille. Who wanted to stop fornicating with a man. Elle voulait arrêter de forniquer avec un monsieur. They have two or three children. Ils avaient deux ou trois enfants. Already. Déjà. And he wanted to stop. Et elle voulait arrêter. And that day, the man came again. Et ce jour, le monsieur est venu. And then he started to touch. Il a commencé à la toucher. Then the woman, the girl said. Donc, et la fille a dit. Stop what you are doing. Arrête ce que tu fais. Stop what you are doing. Arrête ce que tu fais. Stop what you are doing. Arrête ce que tu fais. Stop what you are doing. Arrête ce que tu fais. And what? Continue what you are trying to stop. Et continue ce que tu essaies d'arrêter. Stop what you are doing. Arrête ce que tu My fais. My brother, stop what you are doing. Mon frère, arrête ce I que tu like fais. I don't like what you are doing. Je n'aime pas ce stop que it. Tu fais. Arrête ça. Stop it. Arrête ça. Continue what you are stopping. Continue ce que tu arrêtes. Do you understand? Vous comprenez? Do you understand? Vous comprenez? Do you understand? You don't understand. Tu ne comprends pas. The man was touching the lady. Le monsieur touchait la fille. And it was feeling good. Et ça semblait agréable. Yeah, it was nice. C'était agréable. Yeah. So it says, but she doesn't want it. Mais elle ne le veut pas. You see, that's why the Bible says that the spirit is willing. Voilà pourquoi. But the flesh is weak. Voilà pourquoi la Bible dit l'esprit. Your spirit doesn't want it. L'esprit ne veut pas. You remember I preach about it. Yes. That when you are sinning, when you are committing a sin. J'ai prêché que quand tu your fais un péché. Somebody who is born again, your spirit doesn't want it. Une personne qui est née de nouveau, ton esprit ne le veut pas. But your body wants it. Mais ton corps veut. So he says, stop what you are doing because it's not good. Donc elle dit arrête ce que tu fais parce que c'est pas bon. Arrête. But she was feeling good. Mais elle se sentait bien. So she said, continue what you are stopping. Donc elle disait arrête ce que tu continue no. ce que tu veux arrêter. Yeah. Hallelujah. Amen. Yeah. So that's what it is. Your body likes it. Ton corps aime ça. It's nice. C'est agréable. It feels nice. Ça semble agréable. But your spirit doesn't like it. Mais ton esprit n'aime pas ça. That's why when you sin, voilà pourquoi quand tu pèches, you feel bad. Tu te sens mal. C'est vrai ou c'est faux? If you don't feel bad, it means that there's something wrong with you. Si tu ne te sens pas mal, c'est que quelque chose ne va pas avec toi. If you don't feel bad, it means that you've lost your salvation. Si tu ne te sens pas mal, c'est que tu as perdu ton salut. Yeah, your spirit is okay now. Ton esprit est maintenant ok. Yeah, because those who are not born again. Parce que ceux qui ne sont pas nés de nouveau. When they are committing a sin, they don't feel it. Quand ils font un péché, ils ne ressentent pas ça. They are okay. Ils sont ok. The spirit and the body agree. Le corps et l'esprit sont d'accord. So they commit, they do the sin. Yeah, that's why they will say, put your hand. Do you like short sleeve or long sleeve? Voilà pourquoi on va te dire, aimes-tu les manches courtes ou les manches longues? And they will take a knife and cut it. Ils vont prendre un couteau et and couper. They don't feel anything. They are happy. Et ils n'ont aucune sensation. Ils sont contents. Yeah, because their spirit and their body, they are okay. Parce que leur esprit et leur corps sont d'accord. Hallelujah. Amen. So from today. Donc à partir d'aujourd'hui. Anything that you are doing that feels nice. Tout ce que tu fais qui semble agréable. And easy. Et facile. Be careful. Fais attention. Yeah, be careful. Fais attention. Easy. Facile. Easy. Facile. Oh, I want to have sex before marriage. Oh, je veux avoir des rapports sexuels avant It's le mariage. It's difficult to wait. C'est difficile d'attendre. It's difficult to wait. C'est difficile d'attendre. The body. Le corps. The body doesn't like difficult things. Le corps n'aime pas les choses compliquées. Yeah. The body doesn't like it. Le corps n'aime pas ça. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. So today, try to analyze your feelings. Donc ce soir, essaie d'analyser tes sentiments. Like school. Comme l'école. If you want easy things, si tu veux les choses faciles, you will not pass your exam. Tu ne vas pas passer tes examens. You have to get up early and learn. Tu vas devoir te lever très you tôt et apprendre. Late into the night. Tu dois apprendre tard dans you la are nuit. Tired. Tu es fatigué. You are feeling sleepy. Tu as sommeil. Learn. Mais tu dois apprendre. Yeah. If you want it easy, si tu veux que ce soit facile, you will not pass. Tu ne l'auras pas. Yeah, that's the next point. C'est le point suivant. Next key, the key. La prochaine clé. Yeah. Do not, okay, first of all, the four. Do not obey the voice of the flesh if you want to be blessed. 4. N'obéis pas à la voix de la chair si tu veux être béni. Hallelujah. Amen. Don't obey. N'obéis pas. Amen. Amen. And the fifth one, you 5e. Can silence the voice of your flesh. By doing what is hard and difficult. Tu peux faire taire la voix de ta chair en faisant ce qui est dur et compliqué. Is it complicated? Difficile. Yeah. Hard and difficult. Dur et difficile. Hard and difficult. Dur et difficile. Hallelujah. Are you here? Are you here? Yeah, if you want to be blessed. Si tu veux être if you béni. Want to silence the voice of your flesh. Tu veux faire taire la voix de ta chair. Don't do what is difficult. Donc fais ce qui est difficile. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Are you here? Are you here? Êtes-vous là? Yeah. You feel like having sex. Tu as envie d'avoir des rapports sexuels. What is easy and what is difficult? Qu'est-ce qui est facile et qu'est-ce qui est difficile? Yeah. What is easy and nice and what is difficult? Qu'est-ce qui est facile and et agréable hard. Et qu'est-ce qui est dur it's et, not to et difficile? C'est de ne pas avoir. Or? Ou bien? Or? Ou bien? Or? Ou bien? Is it a small boy? Yeah. Est-ce qu'il y a un petit garçon, une petite fille ici qui ne savent pas de quoi you je parle? Tu ne sais pas de quoi you je parle. Tu ne sais pas de quoi je parle. Tu sais ce dont je parle. Tu sais ce dont je parle. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Ces personnes ne veulent pas répondre. When you have to come to church, quand tu dois venir à l'église, and it's easy to sleep small, et c'est facile de dormir un peu, but it's difficult to get up and come. C'est difficile de te lever et venir. Qu'est-ce que tu dois faire? You need to silence the voice and get up and come. Tu dois faire taire la voix de la chair et te lever et venir. Is it okay? C'est okay. Are you here? Are you here? Et can là, you silence the voice of the flesh? Tu pourrais faire taire la voix yeah. de la chair. And you see, those who are able to silence the voice of, they are able to do well. ceux qui sont capables de faire taire la voix de la chair réussissent. Ils arrivent à bien. Ils sont bénis. They are moving forward. Ils avancent. They are getting promotion. Ils ont des promotions. In the office, the same thing. Dans le travail, la même chose. You see those who are lazy, they don't want to do anything. Tu vas voir ceux qui sont paresseux, ne veulent rien faire. Easy way. Ils veulent la voie facile. They don't get promotion. Ils n'ont pas de promotion. Those who work hard. Ceux qui travaillent dur. They want the difficult one. Ils veulent les choses difficiles. Yeah. Hallelujah. Amen. If you want to, like a choir. Comme une chorale. Have people that I say learn the song, they don't want to learn. Il y a des gens qui ne veulent pas apprendre. They don't want to learn. Ils ne veulent pas apprendre. They want the easy one. They come. They do something. Faciles. Ils font quelque chose. I don't want to talk much. Je ne veux pas parler beaucoup. Hallelujah. It's my birthday. C'est mon anniversaire donc. When you say listening to the song, they don't want to listen. Quand on dit écouter les chants. So many times, try it again. Écoute plusieurs fois, essaie encore, fais les choses compliquées. That's when you'll be able to learn. Like when you are doing voice, say maybe a tenor. Quand on va dire ténor, chante la ténor supérieur, ils ne veulent pas. You see that when they are singing, it's not nice. Et quand ils chantent, c'est pas joli. Yeah, is it true or is it not true? Chorus. But when you're able to sing the high notes, mais quand tu arrives à chanter sur des notes very nice. Ta voix devient très belle. Yeah. But you want the easy one, baritone. Baritone is what? Vous voulez les choses faciles. Yeah. Baritone. La baritone. La basse. That's easy to la sing. Basse, oh, c'est facile not easy. À chanter. Everybody can sing it. Tout le monde peut chanter but ça. But you want to see the high tenor. It's mais not easy. Quand on veut chanter la ténor élevée. That's what makes the difference between different choirs. Voilà pourquoi on fait la différence entre les chorales. Yeah. You see that a choir that's singing well has made an effort to sing the high, the difficult parts. Vous allez voir que la chorale qui s'en sort a fait l'effort d'apprendre les parties difficiles. Ah. But those who know, they don't want to sing, then they will come, okay, then sing the normal. Mais ceux qui ne veulent pas chanter, ensuite on va dire, bon, chantez la normale. Sometimes your leader will say, okay, then sing normal. Parfois le leader va dire, bon, chantez la normale. You see that the song is not really. Donc, vous voyez que le chant n'est pas vraiment. Yeah. Are you here? Yeah. Yeah. Yeah. And it's your English. Et c'est votre anglais. You don't want to speak it because it's difficult. Vous ne voulez pas parler parce que c'est compliqué. Yeah. I will talk her till you speak. Je vais parler jusqu'à ce que vous allez parler. I will talk her before you realize I speak English. Je vais parler jusqu'à ce que vous parliez l'anglais. Those who don't want to sing, they want the easy one. Vous voulez les choses they faciles. Don't want people to laugh at them. Ils ne veulent pas que les gens se moquent d'eux. Don't want people to laugh at you. Tu ne veux pas que les gens se moquent de toi. People to laugh at you. Tu ne veux pas que les you gens se moquent de your toi. Country, you can't speak English. Tu vas aller dans ton pays, tu ne pourras pas parler l'anglais. They will laugh at you more. Ils vont se moquer plus de toi. 5 ans à Accra, tu ne peux pas parler l'anglais. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? What did you go and do there? Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? You see that you always you'll be walking and you'll be doing. Tu vas voir que tu seras toujours en train de marcher comme you ça. Don't want to look at anybody because they will ask you English and you tu ne veux speak. Regarder personne parce qu'ils vont te demander l'anglais. Yeah. You need to talk. People will laugh at you. Talk. People will laugh. Talk. People will laugh. Talk. People will laugh. Talk. People will laugh. But then realize you are doing the right thing. You are speaking. Tu dois parler même si les gens se moquent de toi. Ils disent que tu te rends compte. It's tu parles because you don't know what l'anglais. You want. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Hey. If I know this, well, I want this thing and it's good. Si moi je veux cette chose et c'est bien, vous allez vous moquer de moi, mais je vais m'en foutre. Because I know what I want. Parce que je sais ce que I'll je veux. Make the mistake, je vais faire l'erreur, mais je vais me lever. Those who succeed in this life, ceux qui réussissent those dans cette are the people vie, who do fail, sont do des personnes fail, qui échouent, ils essaient, ils échouent. You'll be laughing at them, but they are going. Tu vas rire, mais yeah, ils avancent. Bishop Paul said that when we started Lighthouse, et quand on a commencé Lighthouse, they started branches. Ils ont commencé les branches. Two people in a classroom. Deux personnes dans une salle then de classe. Then we'll say mega church. Et on va dire mega église. And other people will be laughing at them. Mega church. Two people in mega church. Et les gens vont rire et two vont dire deux church, personnes et vous dites mega église. Deux personnes mega église. They are coming to learn from us. Et aujourd'hui ils viennent apprendre de nous. People are laughing at Bishop, laughing gens, at Lighthouse. C'est de l'évêque, ils se moquaient and de Lighthouse. Today, et aujourd'hui, same people are coming. Voyez comment les gens viennent. Yeah, because Bishop knows that this thing I'm doing. Parce que l'évêque dit que ce que je fais, ça va marcher par la grâce de Dieu. Yeah. Are you here? You don't want to do difficult things. Je ne veux pas faire les choses difficiles. You don't want people to laugh at you. Je ne veux pas que les gens se moquent de toi. You will be at one place for a long time. Tu seras au même endroit pour un long moment. Not go anywhere. Tu ne vas aller nulle part. Alléluia. Amen. Are you overcoming your flesh? Est-ce que vous êtes en train de vaincre votre chair? Yeah, you shouldn't be somebody who doesn't who like easy things. Shouldn't be. Tu ne dois pas être une personne qui aime les choses faciles. The easy one. Les choses faciles. No, you shouldn't be. Ça ne devrait you pas. Me. Tu ne devrais you pas. Tu follow your flesh. Tu ne devrais because pas your flesh chair. Want the easy one. Parce que ta chair a vu les choses faciles. Hallelujah. Mm. Are you here? Yeah, it's your flesh who want the easy one. Ta chair a vu les choses faciles. Easy way. Le moyen we facile. Can't wait. Tu ne peux pas attendre. See that the flesh says, don't wait. No, why can't we wait? Tu vois que we la chair wait, va dire, ne, je ne peux pas attendre, oh, je ne peux pas attendre. Pass here, shortcut. Ok, prenons ce raccourci. Shortcut, it's easy to get there. Raccourci, shortcut. C'est plus facile d'arriver instead là-bas. Of working and sweating, au lieu de travailler et transpirer, to be able to get money, afin d'avoir de l'argent. Et la chef va te dire, si tu passes là, tu prends easy. Le sac et tu prends l'argent. Instead of working c'est for facile. One month and taking your salary, au lieu de travailler pour un mois et prendre l'argent. It's easy to one day, the first day, first the month, you go and start the money. C'est facile que le premier jour du mois, tu vas voler have et prendre ton argent. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez? Yeah. Yeah. If there is a long way, s'il y a un long chemin, to be able to achieve something, that pour achever quelque chose. And then you want to use a shortcut to achieve the same thing. Et tu veux utiliser un raccourci pour accomplir la même chose. Be careful. Fais attention. Be careful. Fais attention. Be careful. Fais attention. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you here? Are you learning something? All of us, you are all quiet. Why? Vous êtes tous silencieux. Pourquoi? You are quiet. Hallelujah. Amen. Can you overcome the flesh? Est-ce que vous pouvez vaincre la chair? Are you sure? Est-ce que vous êtes sûr? Are you sure? Est-ce que vous êtes sûr? Yeah, so let's go over the five keys. Donc, revoyons les cinq clés. The first key is what? La première clé, c'est quoi? In French, the first key. En français, la première clé. Okay, I'm listening. Oh, some people are not saying. Oh, they didn't write. They didn't write. Ils n'ont pas écrit. Ils Why n'ont pas didn't écrit. You write? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas écrit? Why didn't you write? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas écrit? You people, you don't want the easy one. Okay, I'll listen. I like vous voulez les easy. Choses faciles. Donc vous êtes assis et vous you écoutez. People. Vous. Easy, then you listen to pastor. Facile. Donc vous êtes là et puis vous écoutez le pasteur. You people, vous, you want to go for it? Tu veux avancer? Yeah. Also, the first one in English. Donc la première chose en anglais. Okay, so you are telling me that I learn in English. Donc vous me dites que vous apprenez l'anglais. The second one. La deuxième. Physical feeling. The third one. Do what feels nice. And easy. The fourth one, obey the voice of the flesh if you want to be blessed. And the fifth one, you silence the voice of the flesh by doing what is difficult and hard. Tu fais taire la voix de la chair en faisant ce qui est difficile et dur. Hard and difficult. Dur et difficile. Always hard Toujours. And difficult. Dur et difficile. Hard and difficult. Dur et difficile. Are you here? Sometimes it's hard to come to church. Parfois c'est difficile de venir à l'église. You finish school, then like you have to come to church and tu finis l'école it's et c'est comme tu dois home. Venir à l'église. C'est facile de rentrer à la maison. But you come to church. Mais venir à l'église. Yeah. Yeah. Like today, it's difficult for me to come to church. Comme aujourd'hui, c'était difficile pour moi de venir à l'église. Every Thursday, difficult for me to come to church. Tous les jeudis, c'est difficile pour moi de venir à But l'église. But it's easy to drive straight, then you go to home. Mais c'est difficile de, c'est facile de conduire tout droit à la maison. Tu te laves et tu dors. Is it not easy? Et que c'est pas facile. But I'm blessed. I came there and she came to sing for me. Mais je suis béni. Je suis venu et elle a chanté pour moi. Is it not? You get what I mean? Yeah. Be careful of your flesh. Faites attention à votre chair. Be careful. Faites attention. Are you here? Romans chapter 6, chapter 8, verse 6. Romains 8, 6. Romans chapter. The flesh is always fighting with the spirit. La chair se bat toujours contre l'esprit. Do you understand? Vous comprenez? The your spirit is going, want to do the right thing. Ton esprit veut faire la bonne chose. But your flesh want to do the wrong thing. Ta chair veut faire la mauvaise chose. Yeah, always. Toujours. And there's a fight. Et il y a un combat. There's a fight. Il y a un combat. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. So you need to be able to identify the things that your flesh wants to do. Donc tu dois identifier always. Les choses que ta chair aime faire. And say that, this one is the flesh. No, I won't do it. Et donc tu vois que ça c'est la chair, donc je fais pas ça. And do what the spirit wants to do. Et fais ce que l'esprit veut faire. And you see that you'll be in peace. Always you have. Et tu vas voir que tu auras toujours la paix dans ton cœur. I mean, you see that if you don't come to church, you are worried. Est-ce que vous ne voyez pas que si vous ne venez pas à l'église, vous êtes inquiet? I remember when I started Lighthouse 1994-95. Je me souviens quand j'ai commencé Lighthouse en 1994. And sometimes I don't go to church. Parfois je n'allais pas à l'église. Then when I don't go to church. Et quand je ne vais pas à l'église, vous savez? Then I'll put my watch. I'll be watching the time. Je vais déposer ma montre et je vais regarder l'heure. Okay, I say okay, I'm going to church because I want to learn. Je vais dire okay, je ne vais pas à l'église parce que je vais apprendre. I couldn't learn. Je ne pouvais pas apprendre. I'll look at the time. Okay, church will start 7 o'clock. L'équipe va commencer à 7 heures. Ils vont faire praise and worship. The choir will say they take offering. La chorale va chanter, ils vont prendre les offrandes. Okay, preaching will start. Ensuite, la prédication commence. Peut-être à 8 heures, 9 heures. Okay, bishop, maybe bishop has finished. Or maintenant, l'évêque a fini ou bien a bientôt fini. Okay, then I'm watching. I will not be able to do anything during that time. Je ne pourrai rien faire durant ce temps. It's happened to you. Ça vous est arrivé aussi. If you are honest, you know. Si vous êtes honnête, vous allez admettre ça. See that the time that you don't come to church, le temps que vous ne venez pas à l'église, anything, vous n'arrivez à rien because faire you don't have peace. Parce que tu n'as pas la paix. You don't have peace because you obey the voice of the flesh. Parce que tu as obéi à la voix de la chair. Hallelujah. Amen. Yeah. When you fornicate, quand tu fornies, you don't have peace. Tu n'as pas la paix. Because you follow the voice. Parce que tu as suivi la voix de la chair. Yeah. When you steal, quand tu voles. No. See that you are watching every time you are taking somebody will catch me or something. Tu as toujours peur que quelqu'un va t'attraper à chaque fois. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Parce que tu as suivi la chair. Alléluia. Si vous êtes là. Wow. The flesh is fighting you. La chair te combat. And you should know. I think that everybody knows here. Everybody knows here that. Je crois que tout le monde ici connaît you are not a body. Que tu n'es pas un corps. You understand? Est-ce que vous comprenez? You are not a body. You tu are n'es a pas spirit. Un corps. Tu es un esprit. And you live in the body. Et tu vis dans le corps. Is everybody knows that? Est-ce que tout le monde sait ça? You are a spirit. Tu es un esprit. And you live in a body. Et tu vis dans un corps. So you are not a body. Donc tu n'es pas un corps. So don't use all your time to be taking care of your body. Ne utilise pas tout ton temps pour prendre soin de ton corps. Yeah. Are you there? Est-ce que vous êtes là? Body. Corps. Anything your body feels, then you are conscious about that. You tout ce que ton corps veut faire, tu veux le faire. Non. You are not a body. Tu n'es pas un corps. So don't allow your body to control you. Donc ne permets pas à ton That's corps de Romans, te contrôler. Let's this verse before we go. Romans chapter 12 verse Romains 12 verset 1. Romans chapter 12 verse 1. Romains 12 1 and 2. It's a memory verse. C'est un verset à mémoriser. Go and memorize it. Allez-y mémoriser. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romains 12, 1 à 2. Hallelujah. Amen. I hope you are blessed. Verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, what is that good and acceptable and perfect will of God. Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hallelujah. Amen. So the verse 1, it said that you present your body. Le verset 1 dit à offrir vos corps. Have you heard it? Vous avez écouté? That you present this thing. que tu you present it comme si tu offrais cette chose. Here I am presenting my body. Me voici et j'offre mon corps. You understand the verse now? Est-ce que vous comprenez le verset? Who is presenting? Donc qui offre? It's you. C'est toi. Who's a spirit? Qui est un esprit. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Present your body. Donc tu offres ton corps. So you can control your body. Donc tu peux contrôler ton corps. You tell your body no. Tu dis à ton corps non. Yes. Oui. Go. Va. Stop. Arrête. Don't remove your dress. N'enlève pas ta robe. Yeah. You tell your body stop. Stop ton that rough there. Arrête cette chose. Stop that rough there. Arrête ce n'importe quoi. Hallelujah. Amen. Yeah. So you are a spirit and your body is there. Donc tu es un esprit et ton corps est là. So you need to be able to control your body. Donc tu dois être capable de contrôler ton corps. Hallelujah. Are you here? Are you blessed? Please stand to your feet. Levez-vous, s'il vous plaît. Close your eyes and thank God for fermez the les yeux et remercie Dieu. Thank God. Remercie Dieu. Alors, he bless you. Thank you. Thank God for his word. Pray that God will help you to identify your human desire. Prie que Dieu t'aide à identifier tes désirs humains physical feelings et tes sensations physiques. Because the Bible says, parce que la Bible dit to be carnally minded, l'affection de la chair is death, c'est la mort. And to be spiritually minded, et l'affection de l'esprit is life and peace, c'est la vie et la paix. So, ask God help to identify the affection of the flesh. Donc demande à Dieu de t'aider à identifier les affections de la chair. The voice of the flesh. La voix de la chair. And ask God to give the ability to silence. Et Dieu, demande à Dieu de t'aider à faire to taire. Silence. À faire taire. Silence. À faire taire. To silence. À faire taire. By doing hard and en difficult faisant things. Faisant des choses difficiles et dures. Ask God that you don't want to do easy and nice things. Dis à Dieu que tu ne veux pas faire des choses faciles et agréables. But difficult things. Mais des choses difficiles. Because that's what makes you be blessed. Parce que c'est ce qui te bénit. And that's what will promote you. C'est ce qui te promeut. And that's what will move you from one place to another. Et ce qui t'amène d'un endroit à un autre. In the name of Jesus, au nom de pray, Jésus, prie. That God gives the ability, que Dieu va te donner l'habileté. That God will strengthen your spirit. Prie que Dieu va fortifier ton esprit. Strengthen your spirit. Va fortifier pray ton that esprit. The Holy Spirit will strengthen your spirit. Prie que le Saint-Esprit fortifie according ton esprit. To Ephesians chapter 3. Selon Ephésiens 3. That your spirit be strengthened. Que ton esprit sera fortifié. In the inner man. Dans l'homme intérieur. That you be able to control your body. Afin que tu pourras contrôler ton corps. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Oh, thank you. Father, we bless you. Thank you for strength. Thank you for strength in our spirit, Lord. Father, thank you that we'll be able to identify the desire and the physical feelings. And we'll be able to silence them by doing the hard things. The difficult things that will move us forward. Father, we thank you and we bless you. We give you the glory in the name of Jesus. And everyone say amen. Amen. Hallelujah. Are you blessed? Êtes-vous béni? Before we sit down, if avant you are here, s'asseoir, you want si to be born ici, again. Tu es ici. Close your eyes. If ferme you want to tes be born yeux, again. Tu n'es pas né de nouveau. The Bible says, unless la Bible dit, you are à born moins again, que tu sois né de nouveau, you cannot see the kingdom. Tu ne peux pas voir le royaume. And tonight you want to receive Christ. Et ce soir tu veux recevoir Christ. That he sent him to us. La Bible dit qu'il nous l'a envoyé pour nous sauver from hell. De l'enfer. But tonight, mais ce soir, you don't want to find yourself in hell. Tu ne veux pas te retrouver en enfer. You want to be in heaven. Tu veux être au ciel. When Jesus comes. Quand Jésus vient. You can't tell what will happen tomorrow. Tu ne peux pas dire ce qui arrivera but demain. You have now. Mais maintenant. You have now. Tu as maintenant. To receive your salvation. Pour recevoir ton salut. If you are here, si tu es ici, I want you to lift up your hands. Je veux que tu lèves ta main. And give your life to Christ. Et donne ta vie à Christ. Lift up your hands. You want to give your life to Christ. Tu veux donner ta vie à Christ. Pastor, pray with me. Tu veux dire, pasteur, prie avec moi. I want to receive salvation. Tu veux recevoir I le want salut. To be saved. Tu veux être sauvé. I want to a new life. Tu veux une nouvelle vie. Lift up your hands. Lève ta main. And let's pray before we et go prions home. Avant de rentrer. Before we go home, lift up your hands. Lève ta main. Father, we thank you. We thank you. We give you glory for your way. We thank you for salvation in the name of Jesus. And everyone say amen. Hallelujah. Please be seated.